Yeah. J'arrive même plus à écrire. J'arrive même plus à écrire, tellement la dureté me gerce les lèvres. Mon encrier, le narrateur de mon passé. Le temps trace, mais les images restent comme des flashs vont et viennent. Les femmes et le fric vont et viennent. Tourne comme dans les valses de Vienne. J'ai l'appétit qui va avec les temps longs. Poche dans l'eau, seulement celui qui fait qui apprend. Poche dans l'eau, négro on cogite comme en cellule. Taf le truc dans l'eau, l'état nous plaisit pour qu'on pète les plombs. Explose la morale quand on porte les gants. Comme un pare-brise à la bougie, charbonne dans le viseur de leur fusil. J'ai pas ce qu'ils veulent, alors on garde les mains tout proches de nos fusils aussi. Finirai pas comme Martin Luther King parce que je m'en prends de la paix. J'ai rien à foutre de leur calumet. Mon putain de spliff se fait à lui-même. J'ai la mentale d'une hyène armée, prête à te la mettre. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Un putain de flash mes bruits, revois la scène. Et puis un pincement au cœur quand la stupe baisse tout à la zoomée. Un putain de flash, écriture écorchée, ensanglantée. Ma génération est indomptée. Un putain de flash, mes négros veulent du cash. Bah ouais, on est doué pour les attaques à main armée. Scientifique du meurtre, négro j'suis pas d'humeur. Défile la brigade des meurtres, mon staff des plaques des beurres. Un putain de flash, les équipes sont à l'ombre. Le quartier est vide, le ghetto se retrouve sans pantalon. Un putain de flash, sans parachute de réno. Quand on chute, y'a pas de plan B, c'est le crash. J'écris au 36, quai des orfèvres, zone de transit. Le ghetto, une prison à ciel ouvert. On repêche les corps, inanimé le milieu, c'est vie dans la capitale. Un putain de flash. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Armés dans la crise, se va d'un peu avec l'artistique dans la ligne de mire. La pénitence au pénitencier, nos vies sont flashées comme sur le périph et nos pensées. Souvent nous traînent à la dérive, retenus dans un flash de sky, un petit rien nous irrite. En spectateur de nos propres films en sursis, on gère la folie meurtrière de nos âmes. Plus rien ne m'arrête s'il y a de la maille, la fraîche faut la traille. Obligé de poignarder l'avenir à coups de chasse. Les ghettos suivent mes traces, filment mes flashs. Derrière une cachette, c'est la surpuissance qui parle et poche. Je me rappelle de nos flashbacks. On a été élevé avec des boîtes de conserve Renoir avec un peu de cash. L'innocence dans nos cartes à vide. On veut être libre, vite vite. Pareil c'était impossible. On a grandi avec l'espoir de tout niquer, monter nos gars, monte goum. Si tu joues les Corleone. La route tourne, jeune et fou. On attend notre tour, voilà baisser le four. On veut du poulet braisé. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés. Les images me hantent comme des scènes de meurtre. Mon parcours défile en flash comme ma tête tourne. On rejette comme des fous, on monte sur des coups. Attention, on est des individus armés.